Section 114 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 114, Les amours de Gilles. Livre 3e, Gilles, par Louis Morin. Chapitre 5, dans lequel le docteur et Pulcinelle sont témoins de justes noces, chez le comte Pisani, la lune de miel. Les noces de Gilles et de Paquette furent célébrées dans la petite église de Santa Maria della Pietà, sur les quais des Esclavons, car, tout en frappant les comédiens de ses foudres, l'église ne refusait point de les unir. La troupe Cornelio était là au grand complet. Tous ces braves gens, n'ayant que peu d'usage des cérémonies officielles, se sentaient fort gênés. Pulcinelle et le docteur exagéraient la dignité de leur maintien. La mère Pulci, dans la béatitude où l'élevait le mariage de sa fille, semblait un corps sans pensée. Cornelio était deux fois grave comme directeur et comme représentant le père du marié. Gilles eut pendant la messe, un serrement de cœur et tout son bonheur en fut détruit. Il se trouvait que le prêtre officiant ressemblait à son bon oncle si oublié là-bas dans la petite cure des vignes. Après la cérémonie, la noce s'en alla dîner à l'auberge de la Lune. Le repas fut des mieux servi. Le docteur et Pulcinelle ne purent résister aux doux yeux de tant de bouteilles réunies. Comme laisser passer, sans les honorer d'un bon accueil, tant de vins aimables. Le Capri, le Chypre, le Barolo, le Conegliano, le Recioto, Fumana Amabile, le Grignolino, le Lacrima Christi, et surtout, le Falerne, le joli vin de couleur d'émeraude qui laisse sa robe rose aux parois de la bouteille. On dut abandonner les deux biberons et le reste de la compagnie fit conduite aux jeunes époux jusqu'au petit logement qu'ils avaient loué sur la Riva del Carbone. Une dizaine de jours s'écoulèrent dans un bonheur tranquille. Gilles et Paquette continuaient leur promenade aux environs de Venise, mais plus encore que du temps de leurs fiançailles, ils cherchaient la complète solitude. Les champs déserts des environs de Mestre, les plages peu fréquentées de l'Adriatique. Puis, il fallut songer au travail, à l'art. L'été était arrivé. Les grands seigneurs avaient gagné leur palais de la terre ferme. Gilles recevait journellement des lettres qui le priaient de tenir ses promesses, de venir promener sa fantaisie dans les campagnes qu'arrose la Brenta. Il résolut d'aller d'abord à la Villa Pisani. Astra. Le comte Pisani faisait grand cas de son talent. Il avait été l'un des premiers à signaler à la Société de Venise la troupe Cornelio et le joli Gilles qui venait de se révéler. C'était un seigneur magnifique et qui gardait les traditions de la vieille noblesse de Venise, protectrice des plus grands artistes de l'Italie. Le comte Pisani venait de faire décorer sa grande salle d'un merveilleux plafond de Tiepolo et des fêtes splendides devaient y réunir dans quelques jours toute la haute société de la ville. Gilles amenait Paquette à Astra. Ils devaient être les premiers sujets d'une troupe d'amateurs composée parmi les nobles hôtes de la villa. On jouerait des comédies inédites, des impromptus, et même des pièces composées en comédia dell'arte par les acteurs eux-mêmes. Ils partirent un matin en gondole, après avoir embrassé la mère Pulci, suivirent le grand canal et traversèrent les lagunes jusqu'à l'embouchure de la Brenta. Il y avait 5 heures de route de Venise à Astra. La barque avait 4 rameurs qui se relayaient 2 par 2. À l'embouchure, le paysage était triste et monotone. Les terres mouvantes, malsaines, n'avaient qu'une herbe rare, des arbustes rabougris. Puis, quelques vignes se montrèrent et enfin la jolie campagne vénitienne apparut, avec ses petites fermes couvertes de chaume et ses vignobles aériens qui courent de branche en branche, d'un arbre à l'autre. De chaque côté de la rivière se montraient les villas que le nouveau caprice des patriciens de Venise faisait construire à grands frais. On voyait des portiques décorés de statues, des terrasses ombragées qui couraient le long de la rivière. Au fond s'élevaient les palais avec leurs toits plats, leurs fenêtres ouvragées et leurs balcons de fer forgé. Tout le livre d'or était là, représenté par des pages de pierre. Palais Marcello, Foscari, Cornaro, Barbariggio, Mocenigo, Gradenigo, Grimani, Capello, Querini, Foscarini, Bembo, Contarini, Venier, Baduer, Tron, Tiepolo, Giustiniani, Vendramin, Soranzo, etc., etc. Enfin, Stra apparut. Gilles et Paquette débarquèrent et l'on transporta leurs bagages au palais. C'était une merveilleuse chose que ce palais, avec sa façade simple de style sévère et grandiose, que soutiennent de colossales cariatides. Les sommets sont ornés de vases décoratifs et de statues. Tout en hauteur du fronton principal, une femme élève une balance de justice. De chaque côté du palais, des portes monumentales se dressent, encadrant de leur sage et tranquille architecture des grilles compliquées où le fer forgé se tord en de bizarres efflorescences. Des colonnes soutenant des statues y sont à côté, et, par une capricieuse fantaisie, l'escalier qui mène au balcon couvert de lattiques s'enroule tout le long de leur fût. C'est le style du XVIIIe, si gracieuse, avant de laisser la place aux débauches du baroque vénitien. Le comte reçut des comédiens avec la plus charmante cordialité et recommanda qu'ils fussent traités comme les plus distingués d'entre ses hôtes. Puis, il les pria de venir après le souper au bal qu'il donnait à ses invités. « Faites-moi la grâce, ajouta-t-il, Monsieur Gilles et Mademoiselle Colombine, de paraître dans vos costumes de théâtre, afin que tous mes amis vous reconnaissent aussitôt et qu'ils me sachent gré de leur avoir donné la compagnie des plus excellents artistes de Venise. » Gilles ne garde d'oublier cette obligeante recommandation. Et, le soir, dans la grande salle du palais, l'amoureux de la lune et la fille de Pantalon firent leur entrée. Il y avait là une cinquantaine de personnes. Les dames étaient en grand panier et en coiffure de bal, les gentilshommes en tenue d'apparat, avec la toge patricienne et la grande perruque blanche. Il y avait des toges rouges et des toges noires, et les robes des dames étaient de toutes les couleurs. Les laquais avaient ouvert toutes grandes les précieuses portes de métal de Corinthe. Gilles et Colombine s'avancèrent sur le seuil et restèrent immobiles, se tenant par la main, dans une attitude de théâtre qui leur était familière. Aussitôt, les applaudissements éclatèrent. Chacun avait reconnu les deux pensionnaires de Maître Cornelio. Alors, le comte prit la main de Gilles et le présenta à ses amis, tandis que la comtesse faisait asseoir Colombine auprès d'elle. Toutes les dames questionnèrent à l'envi la petite Paquette, en lui faisant mille compliments, charmées de sa modestie, tandis que les jeunes nobles s'empressaient autour de Gilles, curieux de connaître un homme dont Venise raffolait. Cependant, les musiciens, placés sur les galeries qui entourent la salle, commencèrent à jouer de leurs instruments. On voyait, à travers la fine dentelle du balcon, les manches recourbées des violoncelles et les colonnes dorées des harpes. Un menuet fut joué. Les gentilshommes qui prenaient part à la danse avaient enlevé leur perruque et portaient sur l'oreille le bonnet de velours noir. En dansant, ils relevaient leur toge pour laisser voir l'élégance de leurs jambes. Les dames retroussaient du bout du doigt leurs jupes fleuries. Et c'était charmant, cette robe noire et cette robe claire dont les plis se mêlaient au rythme lent d'un air de pergolèse. Au-dessus des têtes, éclairé par les lustres de Murano, le plafond resplendissait doucement, ouvrant un large horizon sur l'adorable fantaisie du grand Tiepolo. Et les jolies faunesses des pendentifs semblaient se pencher pour regarder curieusement le bal. Gilles et Paquette dansèrent aussi. Ils dansèrent une danse populaire, une fourlane où Gilles introduisit toute une mimique galante et champêtre. Il eut le plus grand succès avec cet intermède improvisé sur le vieux thème des maîtres de ballet « Tu n'auras pas ma rose ». Il sut broder de si curieuses variantes que de sincères applaudissements éclatèrent aux quatre coins de la salle. Mais personne ne soupçonna la raison véritable de ce divertissement que chacun crut étudier à l'avance. C'était le désir de prendre un baiser à Colombine sans que personne y pût trouver à redire. Il le prit, ce baiser, en même temps que la rose, à la dernière mesure. Ils en rirent bien le soir, retirés dans la chambre qu'on leur avait préparée. Fin de la section 114. Lui par Agnès, Hobby, 2024.